Exercice 3. A. Regarde dans mon petit sac blanc. B. Je vais passer par le parc. C. C'est beaucoup trop grand pour eux. D. C'est gentil de venir chez nous. E. J'ai vraiment très mal aux pieds.